comédie musicale Cléopâtre avec leur titre L'Accord sur RGM. Un peu plus de 8h36. On va parler maintenant anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 19 avril et on commence en 1948 avec la naissance d'Evelyne Delia, présentatrice météo française. 1949, naissance de Paloma Picasso, styliste franco-espagnole, fille de Pablo Picasso. 1951, naissance de Pierre Lemaître, écrivain scénariste français qui en 2013 a reçu le prix Goncourt pour Au revoir là-haut et un César en 2018 pour l'adaptation de cette même œuvre. 1957, naissance de Bernard Montiel, animateur et comédien français qui a présenté notamment Vidéogag, Surprise, Surprise ou encore Une famille en or. Vu dans la série Sous le soleil dans le rôle de Patrick Saint-Val, dans Section de recherche dans le rôle du procureur Alain Berger ou encore au cinéma dans Camping 1 et 3. 1968, naissance d'Ashley Judd, actrice américaine vue dans Ruby in Paradise dans le rôle de Ruby Lee Gissing, dans le film Heat dans le rôle de Charlène Shirlis, dans Le droit de tuer, l'incroyable histoire de Winter le dauphin 1 et 2 dans le rôle de Lauren Nelson, La chute de la Maison Blanche dans le rôle de Margaret Asher ou encore Divergente 1, 2 et 3 dans le rôle de Nathalie Prior. 1971, naissance de Gad Elmaleh, comédien humoriste franco-marocain vu dans La vérité si je mens 2 dans le rôle de Dove Mimran dans Chouchou, le rôle de Chouchou, vu également dans La doublure dans le rôle de François Pignon, Hors de prix dans le rôle de Jean dans Coco où il interprète Coco, La rafle dans le rôle de Shmuel Westman, Minuit à Paris, Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne dans le rôle d'Omar Ben Salad, Les seigneurs, L'écume des jours, Pattaya, scénariste de Chouchou et Coco et réalisateur de Coco. 1972, naissance de Rivaldo, ancien footballeur brésilien qui fut notamment Ballon d'Or en 1999 et qui a fait sa carrière de 1989 à 2015 en jouant dans de nombreux clubs brésiliens tels que Paulista Santa Cruz, Moguimirim, Corinthians, Palmeiras. Ensuite, il a plutôt été en Espagne avec La Corogne et Barcelone. Ensuite, il a joué pour le Milan AC. Ensuite, il est parti au Cruzeiro, à l'Olympiacos, à Athènes, au Buñol d'Or, à Moguimirim, Sao Paulo, Cabus Corp, Sao Caetano. Et il a terminé en jouant au club de Moguimirim. 1974, naissance de Christopher Stills, chanteur franco-américain, fils de Véronique Sanson, connu pour avoir interprété le rôle de Jules César dans la comédie musicale Cléopâtre. 1978, naissance de James Franco, acteur, réalisateur, scénariste américain, vu dans Collège Attitude, Spider-Man 1, 2 et 3 dans le rôle d'Harry Osborn, dans Tristan et Isolde dans le rôle de Tristan, La planète des singes, Les origines dans le rôle du docteur William Rodman, dans Sal dans le rôle de Milton Katselas, dans Spring Breakers, Le monde fantastique d'Oz dans le rôle d'Oscar Diggs alias le magicien d'Oz, vu dans la série Freaks and Geeks dans le rôle de Daniel Desario ou encore la série Hôpital Central dans le rôle de Robert Frank, et il est réalisateur et scénariste du film Soul. 1979, naissance de Kate Hudson, actrice américaine vue dans Presque célèbre dans le rôle de Penny Lane, Comment se faire larguer en 10 leçons dans le rôle d'Andy Anderson, Meilleurs ennemis, dans le rôle de Stéphanie Necrofouros, et elle est apparue également dans quelques épisodes de la série Glee dans le rôle de Cassandra July. 1981, naissance d'Aiden Christensen, acteur canadien vu dans La maison sur l'océan, connu pour son rôle d'Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 2, et il a repris ce rôle dans Star Wars épisode 3 en jouant toujours Anakin Skywalker alias Dark Vador, vu également dans Jumper, New York I Love You, Takers, Braquage à l'américaine. 1987, naissance de Maria Sharapova, joueuse de tennis russe professionnelle depuis 2001, qui a été numéro 1 mondial pour la première fois en 2005. Elle a remporté deux fois le tournoi de Roland-Garros, une fois l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open, et elle compte une médaille d'argent olympique obtenue en simple en 2012 à Londres. 1988, naissance de Luca Karabatic, handballeur français, qui de 2009 à novembre 2012 a joué à Montpellier, de novembre 2012 à 2015 il a joué au Pays d'Aix et depuis 2015 il joue au Paris Saint-Germain avec l'équipe de France. Il compte une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2016, en championnat du monde il compte une médaille d'or obtenue en 2015 et 2017, en championnat d'Europe médaillé d'or en 2014 et médaillé de bronze en 2018. En 1882, décédé Charles Darwin, biologiste et écrivain britannique britannique. Ses travaux sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie avec son ouvrage De l'origine des espèces, paru en 1859. En 1906, décédé Pierre Curie, physicien français, prix Nobel de physique en 1903, connu pour ses travaux en radioactivité, en magnétisme et en piézoélectricité. En 2007, décédé Jean-Pierre Cassel, acteur français, vu entre autres dans Les Jeux de l'amour, Arsène Lupin contre Arsène Lupin, Cyrano et D'Artagnan dans le rôle de D'Artagnan, dans Paris brûle-t-il dans le rôle du lieutenant Henri Karcher, La rupture, Les Trois mousquetaires et On l'appelait Milady dans le rôle de Louis XIII, Le crime de l'Orient Express, Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, Prêt à porter, Les rivières pourpres, Michel Vaillant, Narco, Le scaphandre et le papillon, ou encore Astérix aux Jeux Olympiques dans le rôle de Panoramix. Et en 2015, on apprenait le décès de Richard Anthony, chanteur français, notamment connu pour le titre J'entends siffler le train, qu'on écoute tout de suite. Voilà pour Richard Anthony, 8h46, tout juste passé de quelques secondes, c'est précis. On est toujours sur le 107 FM et on va faire un petit point sur la météo. La météo. Et je vous jure que je me lasse pas de vous annoncer une journée ensoleillée, digne d'un bel été, hein, puisque ce matin, les températures eh bien, sont comprises entre 8 et 10 degrés, ce qui est quand même pas trop mal. Mais alors, cet après-midi, elles seront comprises entre 24 et 27 degrés. Et oui, vous m'avez bien entendu. Et pour vendredi, ce sera toujours du soleil, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 24 et 26 degrés pour demain après-midi. Et pour samedi, toujours du soleil, des températures qui continuent d'augmenter un petit peu le matin. Elles seront comprises entre 11 et 12 degrés samedi matin. Et ce sera plutôt compris entre 22 et 25, voire peut-être même 26 degrés pour samedi après-midi. On en reparle demain. Allez, c'est tout pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec du cyclisme et la Flèche Wallonne qui a été remportée hier après-midi par le Français Julien Alaphilippe. C'est le premier Français à s'imposer sur cette étape depuis 1997 et un certain Laurent Jalabert. Et au Tour des Alpes, Thibaut Pinot a pris la tête du classement. Un mot de football maintenant avec la deuxième demi-finale de la Coupe de France qui opposait Caen au Paris Saint-Germain et le PSG s'est imposé 3-1. La finale opposera donc le Paris Saint-Germain au club de Les Herbiers. Ce sera le 8 mai prochain. En basket, en NBA, cette nuit, l'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposé face à Oklahoma 95-102. 13 points et 15 rebonds pour le Français. Les deux équipes sont à égalité un partout dans cette série. Et cette nuit, l'équipe de Philadelphie de Lua Okabaro affrontera Miami et les Spurs seront opposés dans leur troisième match aux Golden State Warriors en espérant une victoire des Spurs, parce que si Golden State venait mener à 3-0, ça serait compliqué de revenir dans cette série. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Monte Carlo et le seul rescapé côté tricolore, c'est Richard Gasquet qui s'est qualifié en 2-7 face à Schwartzmann, 6-2, 6-1. Gilles Simon, lui, s'est incliné en 2-7 face à Kachanov, 6-2, 6-2. Dans les autres résultats, Djokovic s'est qualifié en 2-7 face à Koric, 7-6, 7-5. Rafael Nadal s'est qualifié en 2-7 face à Bedene, 6-1, 6-3. Cilic s'est qualifié en 2-7 face à Verdasco, 6-3, 7-6. Nishikori s'est qualifié en 2-7 face à Medvedev, 7-5, 6-2. A noter l'élimination de Fonini en 2-7 face à Struff, 6-4, 6-2. Raonic s'est qualifié en 2-7 face à Cecinato, 7-6, 6-2. Kohlschreiber s'est qualifié en 2-7 face à Ramos Vinolas, 6-4, 6-2. Et Bautista Agut s'est qualifié en 2-7 face à Lopez, 6-3, 7-6. Aujourd'hui, Richard Gasquet a affrontera Misha Zverev. Alexander Zverev, lui, se reposait à Struff. Djokovic aura un gros match face à Dominic Thiem. Rafael Nadal se reposait à Kachanov. Raonic à Cilic. Bautista Agut à Goffin. Dimitrov à Kohlschreiber. Et André Seppi, lui, devra affronter Kei Nishikori. Et on termine avec du hockey sur glace et les playoffs de NHL. Et l'équipe de Las Vegas de Pierre-Édouard Belmar connaît son adversaire pour les quarts de finale de ses playoffs, puisque cette nuit, le club de San Jose s'est imposé face à Anaheim et San Jose remporte bien elle aussi sa série 4-0 et affrontera donc l'équipe de Las Vegas. Et on va parler de l'équipe de France qui ce soir bien va affronter l'Allemagne dans le cadre de sa préparation au championnat du monde. Voilà pour l'actualité sportive, on va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Ed Sheeran et son titre Shape of You. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And we'll come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love.